Je vous souhaite encore le bonjour, frères et sœurs. Et nous continuons ce matin notre belle étude sur l'Évangile de Jean. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents, encore une fois, de s'arrêter devant ta parole, afin qu'elle nous instruise, afin qu'elle nous parle, afin qu'elle nous montre le Fils. Parce que le but de sa venue sur la terre, c'est de nous révéler Dieu, le Père, et le Fils qu'il a envoyé. Et si on comprend ces révélations, si on les accepte, si on y croit, ça change nos vies. On ne peut pas côtoyer la vérité sans être transformé. Donc, conduis-nous encore ce matin par ton esprit que tu as fait habiter en nous. Amen. Il y a un vieux dicton qui dit « Tel père, tel fils ». Et ce matin, c'est ce que Jésus va nous faire ressortir. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, et on est rendu au verset 31, Jésus dit « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et lui dire, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc Jésus ici va se séparer du restant de l'humanité en démontrant que nous sommes esclaves du péché et lui ne l'est pas. Remarquez bien que, encore une fois, il va commencer au verset 31 en disant, il s'adresse à des gens qui ont cru en lui. Mais faites attention, quand nous sommes dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, le mot qu'ils ont cru en lui n'est pas équivalent de chrétien, n'est pas équivalent de né nouveau, n'est pas équivalent de des gens qui se sont convertis. Dans les Épîtres, dans les Actes, quand c'est marqué qu'ils ont cru, en général, c'est des croyants. C'est des chrétiens, c'est des fidèles, c'est des saints. Mais pas dans les évangiles. Soyez attention, le langage des évangiles, c'est un langage souvent de l'Ancien Testament, ou des fois un langage de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut tenir compte de cela quand vous lisez les évangiles. Sans ça, vous allez être perturbé, je dirais même trompé. Parce que Jésus dit qu'ils ont cru, mais par la suite, on voit bien que ce n'était pas des croyants, parce qu'il va leur dire, vous avez pour père le diable. Donc, ce n'est certainement pas des gens qui se sont convertis. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous affranchir. Et là, il répond tout de suite, on n'a jamais été esclave de personne. Nous, on est de la postérité d'Abraham. On n'a jamais été esclaves de personne. Moi, il dit, je vous dis, oui, vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves du péché. Il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché, au verset 34. J'ai cherché dans l'original le mot « livre au péché ». C'est tout simplement le mot qui est là. C'est quelqu'un qui pratique, qui fait, qui s'adonne au, qui va le faire, tout simplement. Il dit, quiconque fait le péché est esclave du péché. Donc, est-ce que ça englobe les Juifs qui étaient là? Bien sûr. Jésus dit, vous faites le péché, vous pratiquez le péché, donc vous en êtes esclave. Mais il dit, Si vous en êtes esclave, l'esclave ne peut pas se libérer lui-même. Mais il dit, moi, le Fils, si vous écoutez mes paroles, vous allez connaître la vérité et le Fils va vous affranchir. Parce qu'ici, les paroles du Fils et le Fils, c'est la même chose. Les paroles de François, c'est François. Et les paroles du Fils ou la vérité, c'est le Fils. Le Fils va se présenter un peu plus loin dans Jean 14, « Je suis la vérité ». Donc, il dit, si vous croyez en moi, si vous écoutez mes paroles, et si vous demeurez dans mes paroles, ici, il ne parle pas demeurer dans le sens que vous allez vous abstenir complètement du péché, mais vous demeurez dans ce que je vais vous enseigner et vous allez y croire. Il ne parle pas de la perfection. C'est, si vous devenez parfait, ben, vous allez être affranchi. Si c'est ça, il n'y a personne qui l'est. Ici, Jésus dit, si vous demeurez dans ce que je vous ai enseigné, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc, si on reste dans le texte ici, la seule personne qui peut affranchir un esclave du péché, c'est le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si on arrête là un petit peu, on dit, s'il peut faire ça, c'est parce que lui n'est pas esclave. Ça, c'est la première vérité ici qui le sépare de nous, du restant de la race humaine. Ensuite, il va dire une autre chose qui va le séparer de nous. Au verset 37, excusez. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Et lui dire, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas? » Wow! Deux pères ici. Jésus dit, « Moi, j'ai un père qui est différent de vous. Vous, vous avez un autre père. Moi, je fais les œuvres de mon père. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Le vieux dicton, il dit, on est tous des enfants de Dieu. C'est pas vrai, la Bible ne dit pas ça. On est tous des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créé tout le monde. Mais on n'est pas tous ses enfants. La preuve ici. Il dit, il y en a qui ont pour père le diable. Ce qui est la race humaine. Il dit, moi j'ai un autre père. Que le vôtre. Vous, vous faites les œuvres de votre père et moi, je fais les œuvres de mon père. Premièrement, il dit, quelles sont les œuvres du diable? C'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Il est un menteur. Et la Bible dit que tout homme est menteur. On est tellement menteur qu'on ne se rend même plus compte qu'on l'est. On s'est tellement convaincu en tant que race humaine hein, qu'on n'est pas menteur qu'on finit par le croire. C'est pour ça que j'ai dit, et probablement que vous avez dit, je suis un bon gars, je ne fais pas de mal à personne. Puis on se croyait. On se croyait, jusqu'à certains points, on se croyait. Nous avons pour père Dieu. Et il se croyait. Mais le diable ne croit pas à la vérité. Le diable n'est pas la vérité. Le diable profère le mensonge. Et le diable veut détruire tout ce qui est de Dieu. Ça, c'est vous autres. C'est vous autres, la race humaine. Il ne faut pas s'exclure. Il faut accepter ça. Il faut accepter que c'est comme ça qu'on est en tant qu'être humain. Parce que si on ne croit pas ça, on fait Jésus menteur. On fait Dieu menteur. Il dit, vous avez pour père le diable. Puis on dit, non, non, non, j'ai pas pour... Non, non, le diable, c'est pas mon père. Donc, vous ne croyez pas ce que je vous dis, je ne peux pas vous affranchir. Si vous n'admettez pas que vous avez eu pour un temps le diable pour père, vous ne pouvez pas devenir un enfant de Dieu. Pensez à ça. Pensez à ça pendant quelques secondes. Et peut-être qu'après avoir fini d'écouter la petite vidéo, pensez à ça. Est-ce que j'aurais connu, j'ai cru, que pour un temps dans ma vie, j'ai eu pour père le diable? Parce que je vivais pour lui. J'étais l'esclave du diable, j'étais l'esclave du péché. Si vous ne croyez pas cela, même si vous étiez une personne très religieuse avant, vous aviez pour père le diable. Parce que les gens à qui s'adressent ici, c'est souvent des gens religieux, des juifs, qui allaient au temple, qui pratiquaient la foi, qui allaient à la synagogue. Pourtant, il leur dit, vous avez pour père le diable. Il dit, moi, j'ai pour père Dieu. Parce que je fais les œuvres de mon père. Il dit au verset 38, il dit, je vous dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous, vous avez entendu de la part de votre père. Vous autres, vous répétez les mensonges que le père vous a dit, votre père vous a dit. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu de mon père. Dis-moi, je fais les œuvres de mon père. Au verset 40, il dit, moi, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il dit, j'ai vu chez mon père des choses. Maintenant, j'ai entendu de mon père des choses au verset 40. Puis il dit au verset 42, « Moi, je suis sorti de Dieu. Je viens de Dieu. » Quand il dit « je suis sorti de Dieu », ça veut dire qu'il vient de les entrailles de Dieu, qu'il est sorti du sein du Père. Donc, son Père, c'est Dieu. Ce qu'il a vu, c'est son Père. Ce qu'il a entendu, c'est son Père. Les œuvres que son Père fait, il dit, moi, je fais les mêmes œuvres que mon Père. C'est pour ça qu'il va dire à Philippe, plus loin, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Vous autres, si je vous regarde, j'ai vu le diable. Quand j'écoute les êtres humains, quand je regarde les êtres humains, quand vous parlez comme votre Père. Ouh! Je comprends que c'est dur pour les Juifs d'entendre ça. Je comprends pour nous, la race humaine, ça nous fait grincher des dents. Nous faire dire qu'on est comme le diable. Nous faire dire que le diable, c'est notre père. Qu'on parle, qu'on agit comme ce qu'on a vu, comme ce qu'on a entendu. Et si vous regardez bien, dans le paradis, au moment où Ève et Adam ont péché, ils se sont mis à agir comme leur père. Mensonge, hypocrisie. Ils se sont mis c'est pas moi, c'est elle, c'est lui. Ils ont commencé tout de suite l'hypocrisie, tout de suite le mensonge, comme leur père. Ils ont continué à lire un petit peu dans Genèse, et c'est le meurtre, et c'est ci, et c'est les adultères, et c'est la fornication, et c'est la débauche, comme notre père. Vous devez accepter ça. Frères et sœurs, si on ne comprend pas bien qui on était avant d'être sauvé, on ne comprendra pas bien qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Jésus ici ose, dans son amour pour nous, nous dire la vérité à notre sujet, la race humaine. Donc, il dit, vous pratiquez le péché et vous en êtes esclave. Moi, je peux vous en libérer. Donc, moi, je ne suis pas esclave du péché. Je ne pratique pas le péché. Vous avez pour peur le diable. Moi, j'ai pour peur Dieu. Mais il dit qu'il peut et qu'il veut nous affranchir. Il y a juste un moyen d'être affranchi. Du mensonge, c'est la vérité. Frère et sœur, la vérité, ça rend libre. La vérité, ça ne met pas de fardeau sur nous. La vérité, ça nous accable pas. La vérité, ça nous libère. Faites attention. Jésus, s'il ne va pas nous affranchir ou ne nous a pas affranchis pour qu'on fasse ce qu'on veut. Non, non. Il nous a affranchis pour qu'on devienne ses esclaves à lui. J'ai déjà dit une fois, esclave un jour, esclave toujours. Soit qu'on est esclave du mal, ou soit on est esclave du bien. Soit on est esclave du diable, soit on est esclave de Dieu. Et c'est ce que Paul dit dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Vous avez été pour un temps esclave du péché. Maintenant, vous êtes esclave de Dieu. Nous n'avons pas été affranchis pour faire ce qu'on veut. Faites attention, vous ne devenez pas le maître quand vous êtes affranchi. Vous avez peut-être été affranchi pour dire à Dieu quoi faire. Mais Dieu vous a acheté, vous a affranchi, et vous êtes maintenant, on est maintenant ses esclaves. Et maintenant, il va nous dire quoi faire. Il va nous montrer quoi faire. Et on va voir demain à quoi ce qu'on sert, et quoi qu'on est affranchi. On va servir de la même manière que le Fils sert le Père. On va voir pourquoi le Fils est là. Et nous, étant affranchis, on va avoir le même rôle que le Fils dans la maison du Père. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as dit la vérité à notre sujet. Quand on écoute les religions du monde, c'est des religions de mensonges. Ils ne disent pas la vérité à l'être humain. Ces religions disent qu'on est des bonnes personnes, c'est la société qui nous rend mauvais, et que les enfants, c'est des petits anges. On dit des mensonges. On dit des mensonges. Parce que notre Père, c'est le menteur. Mais toi, tu as bien voulu, dans ton amour, nous dire la vérité à notre sujet. Mais tu nous offres de nous affranchir. Et merci. Merci, Seigneur, que pour moi, tu m'as affranchi il y a 33 ans. Tu m'as affranchi par la vérité. La vérité, c'est le Fils. La vérité, c'est ton Fils que tu nous as envoyé. C'est celui qui est sorti de toi, qui maintenant habite en moi, habite en nous, tes enfants. Comme hier, on disait qu'on était des enfants de lumière, mais ça, maintenant, on peut dire que nous sommes des enfants de la vérité. Parce que nous pratiquons la vérité. Seigneur, aide-nous à toujours à dire les choses comme tu les dis, avec amour, avec compréhension, avec grâce, car nous voulons te glorifier et glorifier le Fils que tu envoies.